d'Ouïman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. La police sera sollicitée pour escorter les vaches achetées à l'intérieur du pays et dont la viande sera destinée à être consommée en ville de Bujumbura. Cette décision a été prise et annoncée par le Comité national de riposte contre la fièvre de la vallée du Rift. Et le ministre de la Défense et des Anciens Combattants a déclaré ce mardi que les préparatifs de militaires burundais qui participeront à la mission de retour à la paix et la sécurité dans l'est de la RDC vont bon train. Un enseignant du lycée communal islamique de la ville de Rumonge est introuvable depuis plus d'un mois. Il aurait des relations suspectes avec une de ses élèves après le renvoi de 4 élèves enceintes à cette école à la fin de l'année scolaire écoulée. Et dans la chronique santé, on vous parle des effets néfastes de l'alcool sur la santé humaine. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, le président burundais Evariste Ndayishimiye devra fournir beaucoup d'efforts pour trouver des solutions aux conflits politiques et armés entre certains pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est l'analyse du professeur de sciences politiques et relations internationales à l'Université du Burundi après la remise et reprise à la présidence tournante de cette communauté entre Uhuru Kenyatta et Evariste Ndayishimiye. Dr Guillaume Ndaikengurutse trouve que c'est le moment au Burundi de montrer tout ce dont il est capable. Et notre président de la République pourra évoluer dans la droite ligne de son prédécesseur, président Uhuru Kenyatta, qui avait essayé de fournir des efforts dans cette ligne pour trouver des solutions à ce conflit à l'est de la communauté est-africaine. Et puis, le Burundi est beaucoup plus attendu parce que, de par notre histoire, le Burundi a engrangé une expérience riche en matière de résolution des conflits. Donc, il pourra apporter sa contribution dans la résolution de ce conflit. Mais ce n'est pas uniquement les conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est aussi une occasion pour notre président de la République de travailler à l'assainissement des relations entre tous les États membres de la communauté est-africaine, le Rwanda et l'Ouganda. On sait qu'il y a eu des « ça ne va pas » ces derniers temps, mais aussi entre le Burundi et le Rwanda. C'est vraiment une occasion pour travailler à l'assainissement des relations entre les États membres de la communauté. Et les inquiétudes s'accumulent chez des gens qui ont récemment reçu l'ordre d'arrêter les travaux de construction de leur maison dans des sites non viabilisés du périmètre urbain de Gitega. Même chose pour ceux dont le projet de réhabilitation de leur maison a été refusé dans le cadre de l'application du schéma directeur de la ville de Gitega 2022-2050. Le chef de l'Office burundais pour l'urbanisme et l'habitat au Buha à Gitega indique qu'ils doivent attendre le bornage des routes et voies ferrées. Et c'est au moment où ce lundi, le gouverneur de Gitega et le chef de l'Obuha dans cette province et expliquer aux habitants des collines Rutegama, Wirohe et Zegue le contenu de ce schéma directeur. Gérard Nibikira. Une de questions posées par la population est de connaître le sort des gens pour qui la mesure d'interdiction de tout travaux de construction dans des sites non viabilisés a été prise alors qu'ils avaient déjà commencé à faire construire leur maison. Certaines de ces maisons étant même à la phase de la charpente. À propos, le chef de l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat au Buha à Gitega a répondu qu'il faut attendre jusqu'à la fin des travaux de bornage de différents type de routes et voies ferrées, mais ces travaux n'ont pas encore commencé. Il a ajouté qu'après ces travaux, les autorisations de bâtir seront délivrées, mais que pour ceux dont les maisons se retrouveraient dans un lieu de route ou voie ferrée, leurs projets de construction de maisons dans leur terrain initial seront annulés. Une autre question a été posée par une femme de la maison étrovétiste et qui voulait la réhabiliter pendant cette saison sèche. Elle a voulu savoir ce qui lui arriverait au moment où il lui sera interdit de réhabiliter sa maison. Toutefois, le chef de l'Obuha à Gitega lui a signifié qu'elle devra attendre la fin des travaux de bornage des routes et voies ferrées envisagés pendant les jours à venir. C'est au moment où, ce lundi, le gouverneur de la province de Gitega, accompagné du chef de l'Obuha à Gitega, était en train d'expliquer le nouveau schéma directeur de la ville de Gitega de maintenant à 2050 à la population des collines Rutegama, Wirohe et Zegue, située dans le nouveau périmètre urbain de Gitega. Depuis Gitega, Jean Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Et les justiciables qui n'ont pas été satisfaits des jugements rendus peuvent soumettre leur dossier au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Dans une conférence de presse hier, le secrétaire permanent de ce conseil a toutefois rappelé que les dossiers reçus sont ceux qui ne sont plus susceptibles de recours. Suivez Gérard Nguendaba. Premièrement, toute personne désireuse de saisir le Conseil supérieur de la magistrature doit avoir préalablement épuisé tous les recours devant les instances judiciaires compétentes. Autrement dit, il ne faut pas que l'affaire apportée devant le Conseil supérieur de la magistrature soit encore pendante ou susceptible d'être soumise à une quelconque juridiction. Deux, les requêtes doivent être déposées sous peine d'irrecevabilité dans les limites du temps fixé par la loi. Ces délais varient selon les matières. Ainsi, les requêtes relatives aux décisions judiciaires coulées en force de choix des juges doivent être déposées dans un délai de 60 jours francs, compté à partir de la date de la connaissance des faits qui justifie la saisine. En matière de notation, les délais de recours sont de 30 jours francs, compté de la date de la réception du bulletin de notation ou en cas d'absence de notation, de la date de la fin du mouvement de notation. Il est de 15 jours francs en matière disciplinaire, compté de la date de la notification de la décision attaquée. Nous voudrions informer l'opinion qu'à ce jour, le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature a déjà enregistré de nombreuses requêtes allant jusqu'à à peu près 300 dossiers depuis la mise en place de ce secrétariat permanent sous sa structure actuelle. La plupart des cas en nombre remarquable concernent des dossiers relatifs aux décisions judiciaires coulées en force de choix des juges, mais qui sont demeurés non exécutés. La suite de ce journal à 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. Les membres de la coopérative ADECA qui pratiquent la pisciculture dans la vallée séparant le quartier Stade et la colline Ezege dans la ville de Gitega disent qu'ils viennent de totaliser 4 ans sans recevoir les poissons, les poules et les porcs que leurs représentants leur avaient promis. C'est au moment où ces derniers leur avaient dit de retirer de l'étang les anciens poissons. Le Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage dit en être au courant et que bientôt ces poissons, poules et porcs seront livrés par le biais de la Direction générale de l'élevage, étant donné que leurs représentants avaient mal procédé. Arthur Kavaouchi. Ce site piscicole aménagé se trouve dans la vallée qui sépare le quartier Stade et la colline Ezege dans la ville de Gitega et comprend également deux porcheries construites par les membres de la coopérative ADECA Urunani. Une des membres de cette coopérative indique que leur représentant au niveau national leur avait demandé de retirer de l'étang les anciens poissons pour leur donner ceux de bonne qualité. Il y avait des poissons dans l'étang, mais nos représentants nous ont dit de les retirer et qu'ils vont nous amener ceux de bonne qualité. Il y a 4 ans, ils ne l'ont pas fait. Cela étant, la situation est comme telle il y a 4 ans et cette femme fait savoir qu'ils ont récemment envoyé une correspondance auprès de leurs représentants et aux responsables de l'élevage, mais qu'ils n'ont pas encore eu de réponse. Nous avions envoyé 2 correspondances, l'une à nos représentants et l'autre au responsable de l'élevage au mois de mai dernier. Mais nous n'avons pas eu de réponse. Les membres de cette coopérative demandent qu'on leur donne ces poissons et poules comme convenu. Face à cette question, le directeur du bureau de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage dans la province Gitega indiquait que ceux de la DECA avaient mal procédé et qu'ils ont dû demander aux membres de cette coopérative d'adresser une correspondance au directeur général de l'élevage en demandant les poissons, les poules et les porcs. Ce directeur leur tranquillise qu'ils sont les prochains à les recevoir sans toutefois donner de délai. Depuis Gitega, Arthur Kavaouchi, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Toujours dans les nouvelles de Provence, un enseignant du lycée communal islamique de la ville de Lomongue vit en clandestinité depuis plus d'un mois. C'est après la découverte de certains éléments que ses relations avec une de ses élèves étaient suspectes. Des éléments obtenus après le renvoi de 4 élèves enceintes à cette école à la fin de l'année scolaire écoulée. La direction communale de l'éducation de Lomongue confirme l'absence à l'école de cet enseignant malgré le communiqué publié par sa direction l'appelant au service. Au niveau de la Fédération des associations engagées dans la défense des droits de l'enfant, antenne provinciale de Lomongue, l'on demande aux instances judiciaires de ne dire que le droit. Jean-Pierre Misako. Après que des messages téléphoniques entre cet enseignant et une de ses élèves eurent parvenu à la direction provinciale de l'éducation de Rumonge, des messages dont des audios ont été à l'origine d'une descente au lycée communal islamique de Rumonge du directeur provincial de l'éducation vers la fin du troisième trimestre de l'année scolaire écoulée. Selon des sources sur place à ce lycée, le dit enseignant n'est plus revenu à cette école. Rémi Ndaïkenguru, qui est directeur communal de l'éducation de Rumonge, après avoir contacté le directeur de cette école pour une suite administrative à ce dossier, confirme l'absence de cet enseignant qui n'a même pas répondu au communiqué rendu public lui demandant de se présenter à l'école avant le 20 juillet de cette année. Tout en saluant l'étape franchie dans la recherche de l'un des deux enseignants ayant déserté Kizuka, soupçonné de violer leurs élèves, la Fédération nationale des associations engagées dans la défense des droits de l'enfant, antenne provinciale de Rumonge, demande aux instances compétentes de redoubler d'efforts afin d'arrêter et traduire en justice de tels enseignants. Lors de sa dernière descente à Rumonge, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, avait ordonné la recherche à tout prix et leur traduction en justice de tels enseignants. C'est le troisième enseignant à rentrer en clandestinité, soupçonné de viol sur élève au troisième trimestre de l'année scolaire écoulée dans la seule commune scolaire de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les préparatifs de militaires burundais qui participeront à la mission de retour à la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo seront à 90%, annonce ce mardi dans l'intribuaire Moutabazi, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, lors d'un point de presse sur les réalisations du quatrième trimestre clôturant l'exercice budgétaire 2021-2022. Il a en outre signalé que le manque de moyens de certains équipements ont fait qu'il y ait quelques activités non réalisées. On fait le point avec Jean-Marie Mayonga. Les forces de défense ont travaillé jour et nuit pour assurer la sécurité de notre pays. Présentant les réalisations du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, Ali Tribel Moutabazi, ministre de la Défense, se dit satisfait des réalisations. Le ministre Alain Tribel Moutabazi a dit que les préparatifs des soldats burundais qui vont aider dans le maintien de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, les préparatifs arrivent à 90%. À quel niveau on est pour les préparatifs des militaires qui vont participer dans la mission de recherche de paix et de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans le cadre régional donc de l'Afrique de l'Est. La force de défense nationale du Burundi est préparée pour intervenir dans son cadre. On peut dire que les préparatifs sont à un niveau satisfaisant à 90%. Et je pense que bientôt, on va terminer les préparatifs et attendre le coup d'envoi. Et vous allez savoir la suite à travers la procédure normale d'annoncer l'intervention des militaires dans le cadre régional. Le ministre Alain Tribel Moutabazi dit que même si les réalisations sont satisfaisantes, les défis n'en manquent pas, comme le manque de moyens financiers qui a fait qu'il y ait quelques activités qui n'ont pas été réalisées. Des défis n'ont pas manqué. Par conséquent, certains travaux de construction et réhabilitation n'ont pas été achevés suite à la non-disponibilité des moyens financiers. De plus, le retard des moyens n'a pas permis l'exécution des actions prévues au moment voulu. Je mentionnerai aussi le manque de certains équipements et d'autres qui nécessitent d'être renouvelés. Quant à la situation sécuritaire des soldats burundais qui se trouvent en Somalie, aujourd'hui, leur situation sécuritaire est bonne. Précision du ministre Alain Tribel Moutabazi qui signale également que ces militaires burundais en Somalie continuent leurs activités de renforcer la sécurité et la paix en Somalie à la normale. Jean-Marie Mayonga. Les vaches qui seront achetées à l'intérieur du pays et dont la viande sera destinée à être consommée en ville de Bujumbura seront escortées par la police pour être abattues à des abattoirs qui seront identifiés. dans une réunion du comité national de riposte, contre la fièvre de la liste de la vallée du Rift. Le directeur général a fait savoir que des abattoirs clandestins existent autour de la ville de Bujumbura, raison pour laquelle il faudrait en vérifier l'hygiène. On travaille en synergie avec d'autres ministères, a précisé le ministre chargé de l'élevage. Mireille Kanyange revient sur cette réunion de ce lundi. Lors de cette réunion ce lundi, un groupe de techniciens du ministère chargé de l'agriculture, après sa réunion, a produit une note selon laquelle les bovins, caprins et ovins doivent d'abord être mis en quarantaine, garder les marchés de bétail fermés, des conditions à remplir avant l'autorisation d'abattage, projetée dans quelques jours sans précision du comité ad hoc. En ce qui est des abattoirs clandestins, le ministre chargé de l'élevage explique qu'il faudrait une synergie de trois ministères pour s'en débarrasser. Parmi les membres de ce comité national se trouve Jean-Claude Karegua, qui estime que la vaccination du bétail devrait d'abord toucher les aires encore saines, notamment Buringa en province Bubanza, où il y aurait un nombre élevé de vaches. À lui de rappeler également que la ville de Bujumbura est la plus grande consommatrice de viande. Pour ce qui est de la viande à consommer dans la ville de Bujumbura, le ministre de l'Intérieur, Gervain de la Kobucha, président du comité national de lutte contre cette fièvre, a révélé que le bétail qui proviendra de l'intérieur du pays sera escorté par la police. On ne peut pas accepter que le mouvement de viande va d'une province à une autre. Il faudrait que l'administration qui a vu et suivi l'abattage soit témoin de ce fait lors de la consommation. Sinon, on exposerait la population. En ce qui est de l'arrivée des bêtes à Bujumbura, ce qui reste difficile, c'est seulement Bujumbura. Je pense que l'administration, la police et les commerçants sont appelés à s'entendre et la police va escorter ces véhicules pour qu'on n'y mette pas d'autres, et ce, pour le bien de la population. Le dit comité national est constitué des ministères de l'Intérieur, de l'Élevage et de la Santé publique, ainsi que des représentants de la présidence de la République, de la vice-présidence et de la primature. Actualité internationale. Oui, on commence par l'actualité sous-régionale. La situation est toujours tendue dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu, et c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis le matin de ce mardi 26 juillet, la population poursuit sa manifestation violente. D'Uvira, c'est un reportage signé Thompson William. Depuis 5h du matin de ce mardi 26 juillet, les manifestants sont descendus à l'aéroport international de la ville de Goma où les agents de la MONUSCO campent depuis la montée des tensions du lundi 25 juillet. Les manifestants portent des bidons remplis d'essence et ils attaquent les véhicules et les hélicos de la MONUSCO en exigeant le départ de cette agence onusienne dans la province du Nord Kivu. La police a essayé d'intervenir mais jusque-là, l'aéroport international est toujours entouré par des manifestants. Écoutons ces manifestants à l'aéroport international de Goma. Ils étaient chassés au Rwanda, au Burundi, en Somalie et d'autres endroits. Donc, eux, ils ne quittent pas dans un pays sans toutefois être chassés. Toutes les routes principales de la ville de Goma sont toujours barricadées depuis le matin. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu n'est pas dans la ville, indique les sources militaires. Celui-ci s'est rendu à Beni. Selon les mêmes sources, le gouverneur indique que le maire de la ville de Goma a fait son travail hier, mais sans que la population l'écoute. Les manifestants déclarent l'incompétence de la mission onusienne sur les sols congolais il y a 22 ans d'existence. Maintenant, ça devient pire. Les gens meurent beaucoup. Ils sont ici dans la RDC 22 ans, sans toutefois éradiquer aucun groupe armé. Nous allons maintenant nous-mêmes protéger notre pays. C'est lundi, 4 bases de la MONUSCO sont pillées, les véhicules saccagés et plusieurs autres biens endommagés. Un bilan provisoire tracé par les autorités locales fait état d'un casque bleu décédé et un civil mort. On note aussi plusieurs blessés. Dans d'autres coins de l'est de la République démocratique et du Congo, c'est toujours des mobilisations pour chasser la MONUSCO. Dans la ville d'Uvira, territoire des Mwenga et des Fizi, les organisations des sociétés civiles font toujours des appels à la population pour manifester ce mercredi 27 juillet en déclarant le départ sans condition des casques bleus de la MONUSCO. Uvira, Thompson Unji, Batangalwa William. Merci Thompson Oumjiba Tangaloa. William et à Kinshasa, un incendie a ravagé toute l'aile gauche du bâtiment qui abrite le siège social de la Société commerciale des transports et des ports. Dans cette aile se trouve la trésorerie de l'entreprise et les services du secrétariat général de l'économie du gouvernement central. Le serveur du service informatique et la caisse de cette société ont été épargnés. Une enquête a été ouverte sur les causes du sinistre. Selon une source proche de l'entreprise et citée par RFI, le bilan de cette catastrophe peut être évalué à des millions de dollars. Et avant la chronique santé, après avoir reçu il y a plus de 3 semaines une autorisation préalable d'Addis Abeba, les enquêteurs de l'ONU sur les violations des droits humains en Éthiopie ont entamé ce lundi leur première visite dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Cette mission qui s'achèvera samedi 30 juillet prochain est la première visite de la Commission en Éthiopie depuis sa création par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, basé à Genève, c'était le 17 décembre 2021. Radio Isanganiro, chronique santé. Je vous l'avais dit dans les titres, la chronique santé de ce mardi, c'est sur les effets néfastes de l'alcool sur la santé humaine, comme lors de la prise des médicaments, comme le dit Dr Philibert Nyonguru. Il est médecin généraliste. Il indique qu'il y a interaction entre les médicaments et l'alcool. Il fait savoir qu'il y a un groupe de gens auxquels la consommation de l'alcool est déconseillée, c'est notamment les chauffeurs quand ils doivent conduire. Ornella Mouche. L'alcool a un effet néfaste sur le cerveau, raison pour laquelle il est déconseillé de consommer de l'alcool chez les enfants et les adolescents, d'où leur cerveau est immature. Le médecin généraliste Philbert Nyonguru indique que c'est également déconseillé chez les femmes enceintes pour éviter d'entraver le développement du fœtus. Il explique également pourquoi il est déconseillé de consommer de l'alcool chez les personnes qui sont sous traitement. Lorsqu'il y a une interaction entre l'alcool et les médicaments, ça évite l'effet positif des médicaments. Ce qui fait que l'objectif que nous avons de guérir le patient n'est pas atteint. Les complications sont multiples chez la personne qui fait un accident en état d'ivresse. D'abord, le patient risque de tomber dans un coma éthylique. Il peut l'enfoncer et même perdre sa vie. Lorsque une victime est arrivée à l'hôpital, il peut arriver que pour trouver la voie veineuse, ça peut être difficile, surtout s'il est déjà en coma. L'autre difficulté peut être liée à l'interaction médicamenteuse, liée à la prise de l'alcool avec les médicaments qu'il est en train de prendre. Son patient. Il y a les premiers secours chez cette personne. Il faut faire un massage cardiaque. Il faut faire aussi un sifflement, ce que je peux dire, sifflement respiratoire ou un massage cardio-respiratoire. On essaie d'aspirer de l'oxygène. On insiffle dans la bouche de la victime pour qu'il puisse avoir de l'oxygène. En même état, on fait le massage cardiaque. Il y a aussi une technique de transport de la victime. Le transport se fait tête un peu en bas par rapport aux membres inférieurs. On fait ça pour éviter que la victime puisse développer une anémie qui peut entraîner une souffrance cérébrale. Il conseille les gens de consommer l'alcool avec modération. Docteur Philbert Nyonguru déconseille les gens de consommer de l'alcool avec un estomac vide. Il faut plutôt manger et prendre de l'eau. Merci Ornella Mucho. Il est 13h21 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un bon après-midi.